Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Tome 4, supplément. Gaumet Duprès 1862. Question 12. Définition de la satisfaction. La satisfaction est un acte de la vertu de justice. Appréciation de la définition qu'en donne le maître des sentences. 1. La satisfaction était l'un acte de vertu, un acte qui fait partie de la vertu de pénitence et qui contribue efficacement à détruire le péché, est évidemment un acte de vertu. Telle est la satisfaction, qui achève en nous l'anéantissement du péché. Elle est un acte de vertu, non seulement parce qu'elle n'implique rien de mauvais ou de défectueux, mais encore parce qu'elle rappelle par son nom même une sorte de milieu et d'égalité proportionnelle entre une chose et une autre, ainsi que le veut la notion de la vertu morale. 2. La satisfaction était l'un acte de justice. La satisfaction, rendant à Dieu ce qui lui est dû, est manifestement un acte de justice, elle établit, comme son nom même l'indique, une sorte d'égalité entre l'offense et la réparation de l'offense, ce qui est précisément le milieu requis par la justice. 3. La définition de la satisfaction donnée par le maître des sentences est-elle admissible? Cette définition, la voici. La satisfaction consiste à détruire les causes du péché et les occasions qui nous portent à le commettre. Donner satisfaction à quelqu'un, c'est lui offrir une garantie pour l'avenir et une indemnité pour le passé. En ce qui est de l'avenir, la définition que nous venons de rapporter est très bonne, mais, pour ce qui regarde le passé, il faut y joindre celle de saint Anselme, qui dit « La satisfaction consiste à restituer à Dieu l'honneur qui lui est dû ». La satisfaction est, en effet, une juste compensation offerte en réparation d'une injure, le paiement d'une dette contractée par le péché. Question 13. De la possibilité de la satisfaction. En quel sens l'homme peut satisfaire à Dieu? De la satisfaction accomplie par un autre. 1. L'homme peut-il satisfaire à Dieu? La satisfaction est de précepte, puisqu'il est écrit « Faites de dignes fruits de pénitence » Luc 3:8. Donc il est possible de satisfaire à Dieu. Et, en effet, Dieu est plus miséricordieux que les hommes, auxquels il est possible de donner satisfaction, si l'on entend par ce mot une égalité rigoureuse entre la faute et sa réparation. Il nous est, sans aucun doute, impossible d'acquitter la dette de nos péchés. Mais, de même que, dans la reconnaissance, il suffit de rendre ce que l'on peut, parce que l'amitié n'exige pas l'équivalent de ce qu'elle donne, il suffit aussi, dans la satisfaction, de faire tous ses efforts pour rendre à Dieu ce qui lui est dû. Note. Une offense, direz-vous, emprunte une sorte d'infinité à l'infinité de la majesté divine. Nous en convenons, mais la satisfaction, ennoblie et sanctifiée par la grâce, emprunte aussi à la miséricorde divine et au mérite de Jésus-Christ une sorte d'infinité. Nous sommes incapables d'offrir à Dieu une satisfaction équivalente à l'offense, cela est vrai. Mais il ne nous est pas impossible de lui en offrir une qui suffise. Fin de la note. 2. Peut-on satisfaire pour un autre? Il est écrit, portez les fardeaux les uns des autres. Galates 6, 2. Ces paroles semblent indiquer que l'un peut porter pour l'autre le fardeau d'une pénitence. Cette déduction se confirme par cette autre raison que la charité est plus puissante devant Dieu qu'elle ne l'est auprès des hommes. Parmi les hommes, l'un peut, par amour, payer la dette de l'autre, à plus forte raison, cela peut-il se faire vis-à-vis le souverain juge? Distinguons, toutefois, dans la satisfaction un double objet, le paiement de la dette du passé, et le préservatif pour l'avenir. En tant que préservatif pour l'avenir, la peine satisfactoire offerte par l'un ne peut pas servir à l'autre, le jeûne de celui-là ne dompte pas la chair de celui-ci. Comme paiement de la dette du péché, la satisfaction de l'un, accomplie dans l'état de grâce, peut profiter à l'autre. Nous lisons, dans la vie des pères, qu'un religieux, guidé par la charité, obtint le pardon de son frère, en faisant sa pénitence. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas permettre, en général, que les uns fassent pénitence pour les autres, puisque la peine satisfactoire doit servir aussi de préservatif pour l'avenir. Note. Lorsque quelqu'un s'est engagé à accomplir la pénitence d'un autre, celui qui l'a mérité souffre dans le purgatoire jusqu'à ce que l'engagement soit rempli, et si celui qui a pris l'engagement ne s'en acquitte pas, tous les deux seront punis, l'un pour les péchés qui demandent satisfaction, l'autre pour avoir manqué à sa promesse. Question 14. De la qualité de la satisfaction. On ne satisfait pas pour un péché mortel sans satisfaire pour les autres. Peut-on satisfaire pour les péchés remis antérieurement, des œuvres faites en péché mortel, leur utilité? 1. Peut-on satisfaire pour un péché sans satisfaire en même temps pour les autres? Dieu a réprouvé certains jeûnes, parce que les gens qui les pratiquaient se livraient à des querelles et à des procès. Isaïe 58:3. Un péché n'est effacé que tant que l'amitié de Dieu nous est rendue. Donc, puisque tout péché mortel, détruisant la charité, nous ravit l'amitié de Dieu, ce serait en vain qu'un pécheur prétendrait satisfaire pour l'un de ses péchés mortels en gardant les autres. Même parmi les hommes, on ne satisfait pas pour un soufflet donné à quelqu'un, si, tout en se prosternant pour lui en faire des excuses, on lui en donne un autre pareil. 2. Celui qui n'est pas en état de grâce peut-il satisfaire pour des péchés remis antérieurement par la contrition? L'apôtre disait de l'aumône, la principale œuvre satisfactoire, quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13:3. S'il en est ainsi, la satisfaction accomplie en état de péché mortel n'a point d'efficacité. Il ne suffit pas, en effet, que la contrition antérieure ait fait pardonner une offense. Il faut que Dieu ait pour agréable les œuvres satisfactoires qu'on lui offre, et la charité seule, c'est-à-dire l'état de grâce, les lui fait agréer. Note. Ce conseil de Daniel 4, 24, à Nabucodonosor, rachetez vos péchés par des aumônes, supposez que ce roi cesserait ses péchés, en ferait pénitence et satisferait ensuite par des aumônes. On nous dira peut-être que si, pour la satisfaction, il faut être en état de grâce, personne n'est assuré d'avoir satisfait. Voilà précisément pourquoi il est écrit, ne soyez point sans inquiétude au sujet de vos péchés même pardonnés. Ecclésiastique 5, 5. On n'exige pas cependant que celui qui ne se sent coupable d'aucun péché mortel réitère, à cause de cette crainte, une pénitence accomplie. Celle-ci ne fut-elle pas proprement satisfactoire? Ce dont elle manque à l'insu du pénitent ne le rend pas coupable d'un nouveau péché. La conséquence pratique de ces principes, c'est que l'on doit faire sa pénitence en état de grâce. Fin de la note. 3. La satisfaction accomplie en état de péché commence-t-elle à valoir du moment où l'on recouvre l'état de grâce? Non, car si les œuvres faites hors l'état de grâce sont des œuvres mortes, la pénitence, qui ne leur donne point la vie, ne saurait les rendre satisfactoires. Dépourvues du principe de la charité et incapables d'en émaner dans la suite, elles ne sauraient être ni méritoires de la vie éternelle, ni satisfactoires. Note. Ceci ne s'applique pas à l'homme qui aurait obtenu, par la contrition, le pardon de son péché aussitôt après l'avoir commis, et qui, avant de se confesser, aurait fait beaucoup de bonnes œuvres. Plus la contrition est grande, plus la peine temporelle est diminuée, or plus on fait de bonnes œuvres, même dans l'état du péché, plus on se dispose à la grâce de la contrition, et dès lors, selon toute probabilité, moins grande sera la peine à subir. Le confesseur doit prendre cela en considération dans l'imposition de la pénitence. Fin de la note. 4. Les œuvres faites hors de la charité ont-elles quelque mérite? Il y a deux sortes de mérite, celui de condignité, qui donne un droit strict à la récompense, et celui de congruité, qui engage quelqu'un à donner, en vertu de la bienséance, une récompense pour telle action. Les bonnes œuvres faites hors de l'état de grâce ne méritent rien de condigno, comme parlent les théologiens, mais elles peuvent mériter de congruo trois sortes de biens, les biens temporels, la disposition à recevoir la grâce, et l'inclination aux bonnes actions. Note. Nos actions n'ont pas par elles-mêmes un mérite rigoureux devant Dieu, elles ne deviennent véritablement méritoires qu'en vertu de la charité, qui rend les biens communs entre les amis, et conséquemment entre Dieu et nous. Fin de la note. 5. Les œuvres de cette espèce mitigent-elles les peines de l'enfer? Si, par le mot mitiger, on entend que quelqu'un peut être délivré en partie de la peine éternelle déjà méritée, il n'est pas vrai que les œuvres faites hors de l'état de grâce diminuent les peines de l'enfer. Personne n'est délivré de ces peines sans être absous du péché qui les a méritées. Or ces œuvres n'ont le pouvoir, ni d'effacer, ni même d'atténuer le péché mortel. Si le mot mitigé signifie que ces œuvres amoindrissent, en les prévenant, les peines qu'on encourait par d'autres péchés, ces œuvres peuvent servir à mitiger les peines de l'enfer, car, d'abord, elles font éviter des fautes d'omission, ensuite, disposant d'une certaine façon le pécheur au bien, elles l'empêchent de commettre le mal avec autant de mépris, en même temps qu'elle le porte à s'abstenir d'un grand nombre de fautes. Ces mêmes œuvres méritent parfois une diminution ou un délai de la peine temporelle, comme on le voit par l'exemple d'Achab, 3 Rois 21. Elles méritent aussi, nous l'avons vu, certains biens temporels. Note. Il est vraisemblable que celui qui aura fait de telles œuvres trouvera, au dernier jour, un juge moins sévère. Question 15. Des moyens de satisfaire. Toute satisfaction implique une œuvre pénale. Les fléaux de cette vie peuvent être satisfactoires. Trois espèces de satisfaction, l'aumône, le jeûne et la prière. 1. Faut-il des œuvres pénales pour satisfaire? Soit que nous regardions le passé, soit que nous envisagions l'avenir, la satisfaction doit se faire au moyen de certaines œuvres pénales. Comme compensation des offenses, elle doit consister, de la part du pécheur, dans une privation qui honore Dieu, et, pour cela, L'œuvre qui la constitue doit être tout à la fois bonne et pénale, bonne, afin qu'elle puisse rendre hommage à Dieu, pénale, pour qu'elle dépouille le pécheur de quelque chose. La satisfaction, ayant aussi pour but de faire éviter les fautes à l'avenir, doit, sous cet autre rapport, consister dans des œuvres pénales dont le souvenir portera désormais le pénitent à s'éloigner du péché avec plus de vigilance. 2. Les fléaux de la vie présente sont-ils satisfactoires? Lorsque les maux que Dieu inflige à nos péchés sont acceptés et reçus de nous avec patience, ils deviennent, pour ainsi parler, un bien que nous nous approprions, et nous nous en faisons par là autant de moyens satisfactoires. Mais si nous les repoussons avec impatience, ils ne sont point à nous, et, au lieu de se transformer en satisfaction, ils restent de purs châtiments. Note. Le même feu, dit Saint Grégoire, fait briller l'or et fumer la paille, ainsi, les fléaux purifient les bons et endurcissent les méchants. Communs aux uns et aux autres, ils ne sont satisfactoires que chez les bons. Fin de la note. 3. Y a-t-il trois espèces d'œuvres satisfactoires? Les œuvres satisfactoires sont convenablement divisées en trois espèces, qui sont l'aumône, le jeûne et la prière. En effet, la satisfaction doit consister, premièrement, à se priver de quelque chose pour l'honneur de Dieu, or l'aumône cause une privation dans les biens de la fortune, le jeûne, une privation dans les biens du corps, et la prière consacre à Dieu tous les biens de notre âme. La satisfaction doit, en second lieu, sauvegarder la vertu pour l'avenir, et cette triple satisfaction a pour effet de tarir la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie, les trois principales sources du péché. Note. Tout ce qui contribue à dompter la chair est compris sous le jeûne, tout ce qui rend service au prochain est renfermé sous l'aumône, tout moyen de rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû entre dans la prière. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.